De l'air, de la force, du numéro 1. Cette semaine, on a maté Air Force One et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Air Force One, avion présidentiel, titre québécois. À mes côtés pour en parler ce soir, Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps que t'as pas commencé par moi pour le présentation. Ouais, je commence par toi, ouais, je t'aime bien cette semaine. Barbara, bonsoir. Bonsoir. Julie, bonsoir. Bonsoir. Et Greg, salut Greg. Bonsoir. Cette semaine, on est réunis pour parler de Air Force One de Wolfgang Petersen, sorti en 1997 de 124 minutes, avec Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. I'm afraid we won't have the guts to back it up. Air Force One, clear for takeoff. Thank you for your hospitality, Moscow. Air Force One, with a mind myself. Where's my family? The president's plane, Air Force One, has been hijacked. What do they want? They want General Raddick released from prison. I will execute the hostage every half an hour. What are our airborne scenarios? There are no airborne scenarios. My husband will not negotiate. His wife. Voilà, voilà, voilà. C'est un film de... Piratage d'avion. D'avion, je sais pas comment... Ajac. Ah oui, Ajac. Piratage. À l'abordage. Prise d'otage. C'est un gros, gros plein ta gueule des années 90. Je ne l'avais jamais vu. Moi non plus, j'avais jamais vu. Et je pensais que j'allais passer un bon moment. Mais c'était un peu trop long quand même. Hein. Ouais, alors... Bah, dès que ça dépasse 26 minutes, c'est trop long pour toi. Moi, c'est mon format, ça. 26 minutes avec la pub, 30 minutes. J'ai le temps de bouffer et tout. C'est parfait. Ouais non c'est vrai que c'est on va revenir mais c'est vrai que la fin il y a un peu une avalanche de scènes inutiles. Il y en a trois qui sont en trop. Ouais. C'est-à-dire les 30 dernières minutes. Moi je dis que c'est une avalanche de films inutiles du coup à peu près tout inutile non. Bah non. Faisons un tour de table peut-être. Faisons un tour de table. Julie. Alors. Elle a trop aimé. moi je l'avais. Alors moi je l'avais. Harrison Ford. Il est trop beau. Alors moi je l'avais. C'est bon. Vas-y, Julie, les okay. Moi, je l'avais vu il y a un petit moment, mais j'en avais très très peu de souvenirs, et je trouvais ça sympathique, sans non plus voilà en faire toute une montagne, mais très sympathique. Ok. Barbara. Bah moi, je pars toujours du postulat que je vais regarder un film de merde. Je crois que tu fais bien ça, mais c'est plus prudent en effet. Donc du coup, bah, c'est vrai que ça fausse un peu le truc. Et, oui. Ouais, non, moi, c'était pas si plus agréable que ça. Et toi, Mickaël? Bah moi, évidemment, j'ai eu un problème avec la bibliothèque. Ils m'ont prêté Piège en haute air. Sauf que c'était pas un custos, c'est le président des États-Unis. Ouais, c'est quand même c'est marrant que tu parles de ça parce que je me suis demandé entre un combat entre Steven Seagal et Harrison Ford, qui gagnait. Ah, c'est Steven Seagal, c'est sûr. Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Bah, non, mais. C'est pas l'un, mais il a quand même une maîtrise d'aïkido qui est quand même. Assez terrifiant. Mm-hmm. Ah oui, qui résume l'histoire vachement complexe de ce. Mais tu nous as pas dit si t'avais aimé, toi, hein, Antoine. Ah bah oui, ben, moi, je l'avais jamais vu. C'est typiquement le film que j'aurais vraiment aimé, gamin. Là, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais il y a malheureusement plein de trucs que j'ai trouvé, mais à chier et super long. Et alors, la fin, elle est vraiment pas possible, pas possible. Ah, la fin, elle est. Non, pas possible. Ok. Pas possible, pas possible. Tu trouves qu'elle est peu crédible, par exemple, la fin? Ah non, c'est. Non, non, non, c'est tout à fait réaliste. Non, non. Au contraire, je la trouve presque trop terre à terre. Une approche documentaire, hein, c'est vraiment. Qui résume l'histoire vachement balèze? Bah, c'est le président des États-Unis. Non, non, toi, tu racontes par l'histoire. C'est le président qui va raconter. Qui raconte? Vas-y, Julie. D'accord, donc c'est le président des États-Unis qui fait une annonce au début du film en Russie en se ralliant un petit peu au chef d'État russe contre Raddick, qui est un gros méchant terroriste, de ce que j'ai compris. Non, c'est un dictateur. Un Kazakh. Un dictateur, oui. Un dictateur Kazakh. Et en gros, il avait prévenu un peu personne, surtout pas son personnel de sécurité, qu'il allait faire cette annonce. Mais en repartant donc vers les États-Unis sur son vol Moscou. Putain, on dirait un résumé de moi là. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. C'est vrai que tu parles pas très bien. T'as pas donné Moscou, les numéros Paris. De plaque d'immatriculation des voitures. Donc, sur l'Air Force américaine, l'avion privé du président, il se trouve qu'il y a des terroristes qui vont détourner l'avion. Mais c'est des journalistes. C'est des terroristes qui ont pris la place des journalistes, dont Gary Oldman, justement, super méchant, au regard méchant, à l'attitude méchante. Et du coup, ils vont le menacer, etc., etc. Sa famille, lui, tout le monde, pour faire libérer Radek. Pour faire libérer Radek. Ouais. Et on va voir que ça va pseudo-marcher, puis pas marcher du tout. Le film s'ouvre sur le kidnapping de Radek, justement, puisque ça commence au Kazakhstan. Puis c'est une mission spéciale pour kidnapper le dictateur local dans son lit. Ouais. C'est limite s'il a un bonnet de nuit, d'ailleurs. Ce qui me fait marrer, c'est que, bon, alors il déploie des trucs de force, genre l'hélicoptère et tout, juste au-dessus du palais, mais bon, il calcule rien, tu vois. Et ce qui me fait marrer, c'est quand ils approchent du palais, t'as la musique de l'étoile noire, quoi, derrière. C'est genre... alors, ils vont vraiment chez le méchant, quoi, tu vois. Alors, on comprend bien, quoi. Pour la petite anecdote, parce que pour moi aussi, des fois, j'ai des anecdotes. C'est le seul film qui commence au Kazakhstan. Si bien que le tournage, c'est une fête nationale, là-bas. La date de sortie d'Air Force One. Et moi, ce qui m'a fait surtout marrer dans cette scène, c'est que les mecs, ils arrivent en parachute sur le toit du palais. Et ils ont des snipers, en fait. Donc, si tu veux, il y a un des gardes qui a un laser dans la nuque. Ouais, un laser. Et le laser ne bouge absolument pas, alors que le mec est en mouvement dans son parachute, donc il s'est arrêté dans les airs, visiblement. Et il tient le flingue avec un laser, le flingue à une main, alors qu'il est sur un parachute, un truc méga instable. Ils sont entraînés, hein. Et surtout, à quoi servent les mecs sur le toit, puisqu'ils sont même pas foutus de voir les gars qui arrivent en parachute. Et surtout, ils entendent pas les trois hélicoptères qui tournent au-dessus du palais présidentiel. C'est pareil. Non, mais il y a des migrations de colombes noires en ce moment. Et surtout, à la fin du film, spoiler alerte, on va voir qu'au Kazakhstan, il y a des putains de MiG noirs qui vont arriver pour foutre un peu la merde. Mais là, par contre, pour aller kidnapper Radek, tu peux arriver en hélico tranquille au-dessus de la ville. Il n'y a pas de défense aérienne. Donc Radek, il est protégé par à peu près une trentaine de soldats qui sortent directement du jeu GoldenEye 64. C'est-à-dire qu'ils sont absolument inutiles. J'ai trouvé la sécurité globalement mauvaise. Je crois que tu confonds avec le jeu Sonic. C'est vrai qu'il y a une très mauvaise sécurité chez Radek. Ouais, et donc, du coup, très mauvaise sécurité. Kidnapping. Sécurité 2000, peut-être. C'est ça. Sécurité 2000. La Securitas. Et ensuite, voilà, donc Radek est kidnappé et on transition très légère puisqu'il y a Indiana Jones qui s'adresse à la Russie. Alors tu peux pas t'en défaire, quoi. Enfin, c'est Indiana Jones. Ouais, c'est marrant parce que moi, après, plus tard dans le film, quand il pilote l'avion, je voyais vraiment genre Han Solo piloter le Faucon Millennium. J'avais l'impression qu'il y avait alors Chewbacca quand on allait élargir le plan, quoi. Enfin, c'était assez. Il y a deux gros problèmes dans ce film-là. T'as évidemment la présence de Indiana Jones et de Star Wars, mais t'as aussi celui de Code Quantum qui est tout le temps là. J'ai adoré. C'est que à chaque fois, t'as l'impression que tu sais qu'il parle, mais que personne l'entend, et en fait, les gens lui répondent dans le film. Du coup, ça fait super bizarre. Même lui, tu vois qu'il a du mal à gérer ça, quoi. Putain, pourquoi les gens me répondent? Du coup, il joue mal, en fait. Quoi. Code Quantum, on me voit pas. C'était mon feuilleton préféré. Donc là, Harrison Ford fait un truc. Alors bon. Il faut toujours qu'on fasse un point valeur, mais alors là, si y a un mec qui a des valeurs, là, attends. Alors là, moi, je pense que c'est vraiment le film du président. C'est pas juste le film du président qui a des valeurs, c'est aussi le film du président qui a l'honneur. Le président de la Castagne, le président geek qui arrive à se bouffer des manuels en une demi-seconde, le président qui met des roustes, le président familial aussi, très familial, le président qui dit qu'il fait ce qu'il veut. Et le président qui préfère boire de la bière en matant un bon match plutôt que de discuter avec les dirigeants russes. Tu vois, c'est le film du président. Mais j'ai d'autres points pour montrer que c'est le film du président. Donc il arrive. Alors déjà, moi j'ai pas compris pourquoi pendant tout le discours du président russe, il était au téléphone. Je comprends pas, il a un petit appareil sur l'oreille. Et ensuite, quand lui a parlé, tous les Russes sont au téléphone. Ça va rien à foutre. Donc il fait son truc. C'est parce qu'il parle pas la même langue, Julie. Préparation prénom, alors c'est ça. Non, d'ailleurs il parle russe. Oui, il parle russe. Bah oui, il le dit au début. C'est une préparation paiement d'ailleurs que j'ai noté. Oui, mais il le dit. Du russe à un moment. D'ailleurs, tu te demandes du coup pourquoi il avait un traducteur au début du film. Ça n'a pas de sens s'il parle russe. Oui, mais il sait prononcer quelques mots, mais il n'est pas capable de comprendre le président russe. Un président américain qui parle russe, ça s'est encore jamais vu. Donc grosse leçon de valeur devant le monde entier, puisqu'en plus c'est retransmis dans le monde entier. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que plus jamais je ne me ferai marcher sur la gueule. Il n'y aura plus jamais de négociation possible possible avec les Américains. On va vous démonter à la moindre... Avec les Américains ? De la part des Américains. Ouais. Vous m'avez compris, merde. Bon, il finit son truc. Non, parce que j'aimerais quand même parler précisément des enjeux géopolitiques dans ce film. Et donc là, ovation. Ouais. Ovation, tout le monde adore. Je pense que les Russes n'ont pas écouté, en fait. Hein. Non, mais c'est génial, ils ont empêché la Deuxième Guerre froide, quoi. Exactement. C'est une alliance... russo-américaine. Elle venait de finir, hein, ils n'allaient pas remplir directement deux ans après, quoi. Puis il s'en est bouffé, lui, des Russes, Indiana Jones, hein. Et des nazis aussi. Des nazis. Ah oui, oui. Donc, sur tous les fronts. En parallèle, il y a Gary Oldman et toute son équipe de méchants russes qui arrivent. Ils se font passer pour une équipe de télévision qui vont interviewer le président à bord du Air Force One, un avion. C'est pas très sûr. Je m'adresserai à Barbara pour avoir plus d'informations sur l'avion. Là, tout de suite, il y a un truc qui est hyper drôle, c'est qu'ils sont sur le tarmac de l'aéroport. Ouais. Lui et toute son équipe de méchants, ils ont vraiment tous des bonnes gueules de méchants. Ah, ouais. Et là, il y a un test de sécurité sur l'Air Force One. Mettez votre doigt sur le truc à empreinte, et là, il y a un ordinateur portable. Il pose son doigt dessus, et instantanément, t'as la photo. Il pose son doigt sur l'écran. Mais c'est ça qui est dingue. Il pose son doigt sur l'écran, genre, oui. Il est où le capteur sur l'écran, tu vois. Alors, là... petite anecdote, c'est la vraie date de naissance de Gary Oldman qui apparaît à ce moment-là. Non. Ah, si. Eh oui. Ah, putain, j'ai oublié de lui fêter son anniversaire. Et là, en fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'au moment où il pose son doigt, instantanément, t'as une photo de Gary Oldman et c'est écrit pas Gary terroriste. Genre, mais il est relié à quoi ce putain d'ordi là? Il a une base de données avec des photos de Gary Oldman dedans? Je sais pas. Il y a le DB et Allociné en fait directement. Mais je trouve que globalement, dans Air Force One, t'as une démonstration de technologie et en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est écrit sur un petit écran, tu vois, genre. Là, en l'occurrence, tu mets ton doigt sur l'écran, il y a marqué pas terroriste. Mais des fois, quand il lock un missile, il y a marqué lock missile. ouais, fuite de fuel, il y a écrit fuite de fuel. Quand il atterrit, il y a marqué landing. Quand il libère Radek, free Radek. C'est de la conduite, du pilotage commenté. Et donc là, ils vont avoir le droit à une petite visite de l'avion. T'as vu, c'est les Russes qui s'installent. Je pense avoir le temps de vous faire visiter l'avion. Oh, bien sûr, avec joie. Bien. Andrei, Boris. Suivez-moi. C'est ici que se trouve la cabine des services secrets, entrée interdite. Et je ne vous conseille pas d'y pénétrer sans escorte, vous le regretteriez. Bonsoir. Salut. Salut. Merci du conseil. Et voici les bureaux présidentiels. Salut le rapport. La conception de cet avion est un secret d'histoire. Si les valeurs avaient une mélodie, ce serait celle-ci. C'est la musique. C'est plutôt le patriotisme. Les valeurs. Ce qu'on voit pas là, c'est que c'est le président Indiana Jones qui est en train de faire le chef d'orchestre aussi. Parce que c'est aussi le film musique. Du... Attendez, c'est Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, ouais. Exactement. Ouais, la BO est très bien. Total Recall aussi. Et oui. Ouais, enfin, et de Chinatown les mêmes, quoi. Et de Chinatown, ouais. Et petite, donc. Petite remarque sur cet extrait qu'on vient d'entendre. Petite remarque. Donc en fait, il y a une visite guidée finalement presque pour les terroristes où on va leur donner le manuel du parfait petit terroriste. Donc c'est soi-disant des brochures VIP pour les journalistes, mais où il y a en fait tous les secrets d'Air Force One et comment bien détourner un avion en fait. Ouais. C'est pas très malin de leur part. Moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre dans cette scène, c'est qu'ils rentrent dans la cabine de pilotage. Enfin, les terroristes russes, et le pilote leur demande s'ils aiment les films de gladiateurs. Non, mais c'est vrai que la visite guidée, ça n'existe pas, quoi. Est-ce qu'on pourrait parler de cet avion aussi, s'il vous plaît? Donc, un 747, je vous le dis. Barbara. Ça peut être aussi un autre, c'est Boeing à chaque fois, mais dès que c'est l'avion du président, c'est Air Force One. Quel que soit le type d'avion. Oui. Et alors, c'est un Boeing. En l'occurrence. Mais là, c'est un Boeing. C'est un Boeing 747 que l'on reconnaît, que l'on reconnaît grâce à son pont supérieur, où est située la salle des machines, le centre de contrôle, ainsi que le poste de pilotage. Oui, j'étale ma science. Alors, pourquoi? Tu peux le dire, Antoine, tu peux. Ben, t'as été dans la Force One. Parce que j'ai été hôtesse de l'air. C'est dit. Le sujet est clos. Passons à autre chose. Pense au port, armement des toboggans, dernier virage. J'ai été pilote. J'aimerais qu'on fasse un point sécurité sur cette Air Force One. Alors, pas sécurité aérienne, sécurité à bord de l'avion, puisque pour protéger le président et les 65 personnes qui l'accompagnent, ainsi que les 4 étrangers russes méga dangereux, mais déjà, c'est trop chelou mecs. Que il y a les journalistes qui rentrent dans Air Force One. Bah, il y a surtout 4 mecs et il y a surtout une armoire remplie de fusils. Ça, c'est complètement con, en fait, parce que si tu as zéro arme dans l'avion, tu risques rien, mais plutôt. Enfin, bon. Air Force One, c'est une cave d'Al-Qaïda, cet avion. Il y a un moment au milieu du film où ils disent mais comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir les armes ? A priori, c'est pas. C'est là où ils rajoutent qu'ils ont quelqu'un à l'intérieur, ils ont une taupe. Oui, ils ont un traître. Il y a un traître à l'intérieur. Ah, il y a quelqu'un qui a mis des armes avant. Il y a quelqu'un qui est rentré dans Air Force One tranquillou avec des calages. Non. Il y a déjà les armes. Mais en fait, il y a un des membres de l'équipage d'Air Force One. C'est surtout ça. C'est officiel de leur côté. Avec le convoi dès le début. Et moi, je me sens un peu mal parce que je critiquais la sécurité du palais de Radek, mais franchement, l'Air Force One, c'est vraiment pas mieux. Mais alors, moi, j'ai une vraie question. C'est comment ça se fait que tous les trous de balles de ces fusils ne fassent pas de trous dans l'avion avec la dépressurisation de la cabine. Scénaristiquement, tout se tient, puisqu'il pourrait survivre à une explosion nucléaire à l'extérieur. Elle explique que le blindage est total. Full blindage. Ouais, sauf au moment où il y a les avions qui le dégomment, quoi. Oui, c'est ça. Ça les a dérangés pas trop scénaristiquement. Donc, du coup, Il y a certains endroits, évidemment, c'est difficile de couler du blindage uniformément. Donc, il y a certaines zones de trous. Bon, on avance. Alors, le film commence par une putain de scène de fin. Puisque, alors là, c'est, t'as tout en même temps. T'as l'avion qu'il faut atterrir. Il y a les terroristes qui prennent le contrôle de l'avion avec des gaz, des machins. On comprend rien du tout. Très étrange. Quand les terroristes prennent le contrôle de l'avion. Il y a des voitures qui sont mobilisées et qui partent, mais ils sont cru quoi les mecs qu'ils allaient les rattraper en bagnole. Vite, montez sur les rampes. Bah, même quand ils envoient des MiG à côté, ils vont faire quoi les MiG quoi tu vois? Bah coucou. Bah, c'est fou, d'ailleurs ils se parlent entre le MiG et le gars de pilotage. Ouais. Déjà que moi je vois pas quelqu'un à 2 mètres dans une voiture à côté. Oui, mais Antoine, faut que tu fasses changer tes lunettes. Je te l'ai déjà dit. Faut que tu fasses changer mon chien. Mais... Alors, il y a tout un truc avec l'Escape Pod. Parce qu'il y a une capsule. Alors, ça, je le savais pas. Mais je sais même pas si ça existe en fait. Donc, sous l'avion, il y a une sorte de petite fusée d'atterrissage. Sous le vaisseau spatial. C'est la capsule de Sangoku. Ah, oui, ouais, c'est clair. Et du coup, en fait. C'est la fameuse capsule de secours. Mais t'en as jamais c'est celle de Clark Kent. Enfin, ouais, elle est que dans les films de science-fiction. Donc, en gros, le président est court, il y a qu'un siège. Il s'accroche et puis pouf, il tombe de l'avion. Et je sais pas, normalement il est en vie, mais pas dans l'avion. Mmh. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on le voit rentrer dans la capsule. Mais on le voit s'attacher. On le voit, ouais, puis après. En fait, on se doute pas s'il est resté à l'intérieur parce qu'il a des valeurs. Ah, parce qu'il a des valeurs. Et vous avez pas trouvé. Il y a sa femme à l'intérieur aussi, quoi. Il y a le terroriste qui rentre dans la cabine de pilotage. Vous avez pas trouvé que c'était le sosie de Las Palès, de Chevalier Las Palès le roux, là. Celui qui pilote, celui qui est barbu, moi, c'est le sosie de Las Palès. Et moi, j'ai cru que justement, ils allaient aller à Pau. Et là, non, il se pose, mais il s'arrête pas. Je suis content qu'on ait cité Chevalier Las Palès. Ça fait automatiquement rire. Greg, t'avais vu leur spectacle hein, deux fois. Hein. N'hésitez pas à écouter ce petit sketch là où ils font des petits quiproquos sur les heures et tout. C'est surtout très drôle que cet avion se pose mais redécolle tout de suite, ne s'arrête pas comme l'avion pour Pau. Moi j'ai toujours préféré Smile. Alors, les terroristes ils sont malins puisqu'ils mettent tous les otages dans une seule et même pièce, c'est plus pratique. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que donc, ils avaient sûrement regardé Piège en haute mer. Ils savaient. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il les enferme et plus tard, il va retourner dans la salle où il a mis les otages. Il ouvre la porte. Et là, tous les otages, ils sont dans la salle en train de chiller, genre, ils sont tous dans des positions. Ouais, tu vois, je sais pas. Genre, les filles, pareil, il y a un pod. Non, mais le président, t'inquiète, il est safe, quoi, il y a un pod. Et tu sais, ils sont tous dans des positions, genre, trop à l'aise, mais personne ne stresse, quoi, tu vois. Et là, dès qu'il ouvre la porte, les mecs sont là. Ah! Ils se mettent à paniquer, quoi. Bah, les gars, vous avez la mémoire courte, mais. Et là, il faut quand même introduire la salle, l'espèce de war room présidentielle. La salle des machines là-haut. Non, sur Terre, puisque il y a Glenn Close. Écoute Quantum. Et Barbara Streisand. Ouais. qui vont devoir un peu gérer cette situation de crise depuis le sol. Alors spoiler alert, ils nous vont absolument Rien géré. Mais il demande à Gary Oldman ses revendications. Donc pourquoi il prend en otage et qu'est-ce qu'il faut faire. Et il met une heure à dire ce qu'il veut. Au lieu de dire je veux libérer Radek, il fait. On dirait moi qui raconte un film. Ouais. C'est Michael qui résume le film. Quoi. Ça dure une heure, on comprend rien. C'est extrêmement long. Tu agites. Non, mais en fait, le problème, c'est que déjà à l'origine, politiquement, en 87, il y a eu un coup d'État. Bon, ouais. Bref, bon, pour, je vous explique. Pour moi, le basculement, il est en février 87. Et là, en fait, ils comprennent dans la War Room que Gary Oldman n'a pas le président. Et qu'en fait, il n'est pas non plus dans l'escape pod. Et du coup, c'est la panique totale. Je crois qu'il faut à présent envisager la possibilité qu'ils aient abattu le président. Pourquoi n'aurait-il rien dit ? Une diversion, il le dira le plus tard possible. Si ça se trouve, ils l'ont abattu par erreur, ils ont peur des représailles. Bien sûr, on va riposter. Et leur général Radek, on va le relâcher aux confins de l'atmosphère. Ça n'a aucun sens. Ce terroriste était sûr qu'on retrouverait la capsule en quelques heures. Il nous a même donné un message pour Marshall. Oui, il n'est pas encore mort. Si ça se trouve, il est même resté à bord. N'oubliez pas que le président a remporté une médaille d'honneur. Au Vietnam, il a piloté plus d'hélicoptères que n'importe quel soldat sous mon commandement. Il est de taille à se battre. Il sait aussi qu'en restant à bord, il risque sa vie. Mais l'élément de surprise est un avantage exceptionnel au combat. S'il est resté à bord, il est notre principal atout. C'est bien pour ça qu'on a mis au point cette capsule. Il n'a aucun droit. C'était déjà chiant à voir une fois, à le réécouter une deuxième fois. Ah, mais ça te fait bizarre d'écouter en mode normal, non accéléré. Ouais, non, mais je l'ai regardé en mode normal. Il avait le médaille d'honneur. Moi, j'ai pas dans la capsule. Non, alors du coup, on entend quand même que le président, c'est pas n'importe qui, c'est pas non plus celui d'Independence Day, mais bah, presque. Quand même. C'est le mec qui a piloté tous les hélicoptères de la guerre du Vietnam, il a la médaille d'honneur, et c'est la plus grande chance de survie. T'as. Le mec, il est à bord avec quatre putains de mecs des services secrets qui doivent maîtriser à peu près tout, de la GRS jusqu'au Krav Maga, et, et là, pour le gars sur place, il fait, non, franchement, le président, s'il en vit, c'est quand même, c'est lui le plus fort, quoi. Non, mais tu comprends super vite que c'est. Non, il a été archéologue, il s'est piloté des vaisseaux spatiaux. Moi, c'est clair, il en a buté des Ewoks aussi pendant la guerre. Il a réussi à s'échapper alors qu'il était accusé du meurtre de sa femme. Enfin, tout va bien. Et il a bu le Graal aussi, quand même, faut pas l'oublier. Donc, il est vraiment invincible. C'est vrai. Donc là, on se rend compte, nous, qu'il est à bord, voilà, et avec un subtil truc, c'est-à-dire que on s'en doutait pas, hein. Ah, c'est vrai qu'on avait pas. Il sort de la trappe mystérieuse. Il sort de la trappe mystérieuse de l'escape pod, donc on comprend rien du tout, mais bon, il est là. Et alors, son plan, c'est de monter dans son bureau, de monter le son de la télé et de se cacher derrière le fauteuil. Bah, il espère quand même voir son match de foot. Alors ça, le running game. Il a pas vu la fin, il connaît pas le résultat. Alors mais si quelqu'un lui a dit. Il dit qu'il veut pas le connaître, il y a un connard qui lui balance dès le début. C'est le pire truc du film, d'ailleurs. Il faut expliquer qu'en rentrant dans l'avion, il veut regarder son match. Un match où, apparemment, il y a des prolongations. Il dure assez longtemps parce qu'après la prise d'otage et après les négociations, il y a encore le match. Hein. Mais on lui a enregistré, les garçons. Vous avez pas compris. Oui, mais il tourne, il avance le match. Ouais, je crois qu'il a mis pause, moi, au moment où il a eu aucun magnétoscope qui se rend robin tout seul et qui remet sur play et qui se rend robin et qui se rend robin. Ou alors, ce serait l'idée de génie. Je vais sortir ce magnétoscope, tiens. Je vais cartonner. On va pas le diffuser parce que moi, je veux breveter ça. On coupera ça. C'est une très bonne idée. Oh là là. Donc là, il y a un méchant qui arrive. Il est caché derrière le fauteuil. Là, il y a grosse baston de type catch. Franchement, là, tu te rends compte que c'est pas le président Hollande. Hein. Franchement, je sais pas s'il serait capable de faire ça. Mais il y a un coup à la Sharknado. Il y a un moment où il prend un tabouret où il lui balance dessus. Ouais, Sharknado style. Donc, il immobilise un méchant. Ça fait déjà un de moins. Et pendant ce temps, il lui en reste plus que 184. Pendant ce temps, au sol, on appelle le président russe. Et alors là, tu vois, le président russe, c'est pas la même limonade, puisque lui, il est gros, il est en robe de chambre. Et il boit de la vodka. Il est totalement asservi aux Américains. Il s'appelle Petrov, qui est à peu près le seul nom russe que les Américains peuvent prononcer. Du coup, ça c'est pour ça qu'il s'appelle Petrov. Ça ressemble à pétrole, donc. Petrov, Popov. Bon, on avait deux choix, quoi. Du coup, moi, là, je suis en train de me dire, si Gary Oldman continue à cloper comme ça jusqu'à la fin du film, il va mourir d'un cancer tout seul, en fait. C'est la quatrième clope qui s'enfile. Hein. Alors, parlant de Gary Oldman, il va monter en tour, hein, puisqu'il s'énerve à mort. Il s'énerve tout le temps dans le film. Hein. Je crois qu'il a des gros problèmes de tension. Hein. Bah ouais. Attends, il est quand même sur une opération délicate. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai, ça te mettrait en stress toi aussi. Hein. Moi, je te connais, t'es nerveux. Hein. Non, c'est vrai que moi, j'aurais du mal à gérer. Déjà, j'ai peur de l'avion. En parlant d'avion, moi, je pense qu'il faut faire un petit point technologie de l'avion, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Tu sais, la salle des contrôles d'Air Force One, c'est vraiment un truc de malade. Il y a des boutons, des potards partout, ça clignote et tout. Et le seul truc qu'on voit qui est bien fait, c'est genre le transfert d'appel quand lui il écoute la salle où il y a les otages, c'est le seul truc qu'il arrive à faire, quoi, tu vois. Et même le gars au début qui tape des trucs à la salle des contrôles, il tape avec un doigt sur l'ordinateur, tu sais. Attention, Air Force One, c'est grosse technologie. Moi, quoi. Je pense qu'il s'est mal entouré quand même, entre l'équipe de sécurité, les mecs qui tapent, enfin les experts en informatique qui tapent à une main, même un doigt au clavier. Et même les pilotes, hein, globalement. Hein. Franchement, hein, ils font pas un boulot extraordinaire. Mais heureusement, lui, ouais. Il est super fort. Bah oui. Et surtout, il lit les modes d'emploi de téléphone hyper rapidement. Alors voilà, j'allais dire, c'est-à-dire que pendant que Gary Oldman tue de sang-froid un otage, lui, en bas, il est coincé, donc il faut absolument qu'il prenne contact avec l'extérieur. Il fouille dans ses valises, il trouve, un téléphone satellite. Un cellulaire, comme tu dirais. Michael. Un GSM. Et là, il s'envoie les 40 pages de notice, quoi, en taïwanais. Il comprend très bien le mode d'emploi, mais il connaît pas le numéro de la Maison Blanche. Exactement. Concrètement, c'est son job, hein, quand même. Hein. Il connaît pas le numéro de la Maison Blanche. Il a une très mauvaise mémoire des chiffres. D'ailleurs, c'est là qu'il fait une performance d'acteur. Il fait, mais quel est le numéro? Et là, il fait un petit coup de papillon avec ses doigts devant sa bouche pour illustrer le fait qu'il est en train de chercher, qu'il l'a sur le bout de la langue. C'est vraiment fabuleux, je vous conseille de le regarder. Mais cette scène, elle est drôle, c'est dommage. Tu l'as pas, non, c'est dommage, elle est drôle parce qu'en fait, du coup, il appelle la Maison Blanche et il dit, ouais, je suis le président, c'est la merde, je suis dans l'avion. Et puis elle fait, oh, il y a une espèce de maboule qui se fait passer pour le président, là. Mais si vous êtes le président, je suis la première dame. Oui. Ça, c'est un peu une die-hard, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est un peu. C'est un ah, peu mais sans déconner, vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais il y a un petit côté die-hard quand même, parce que tu sais, t'as les... Ah bon ouais. Oh pardon, c'est quoi mon film préféré, moi, die-hard. Dégueule. Qu'est-ce que... Ok, et bah... Donc, téléphone dans la poche. Alors là, c'est pareil, c'est un plan extraordinaire. Donc il se fait calcul par un terroriste. Il se fait calcul. Ouais. C'est un verbe en ave. Calcul de raison. Et du coup, il met le téléphone sans raccrocher dans sa poche, et il parle à haute voix avec le terroriste. En espérant qu'ils entendent le message caché qu'il va prononcer à haute voix. Et en gros, il dit, vous pouvez tirer aisément dans le Air Force One, ça ne risque rien puisqu'il y a un système de défense automatique. Et du coup, au sol, ils se disent, putain, coup de génie, on va tirer dans le Air Force One. Ah, bah, c'est risqué quand même. Ouais, c'est un peu risqué, mais... Il y a le mode paillette, et après il y a le mode licorne, et le mode arc-en-ciel. C'est hyper bien. Tout ça, c'est marqué sur l'écran de contrôle, hein, de toute façon. Mode paillette, au plancher. Licorne mode. Non, mais en fait... licorne mode, gauche, bas, haut, droite. L'unique but de ça, c'était que pendant... du coup, il va y avoir la manœuvre d'évitement du missile, et du coup, ça va faire des secousses, et va pouvoir faire un one versus one au coup de poing avec le terroriste, quoi. Putain, le mec, il a vraiment 8 coups d'avance, quoi. Et là, ça part en catch, mais vraiment du vrai catch, genre étranglement et tout. J'ai limite cru qu'il allait sortir une chaise pliante pour le casser sur le dos. Bah, le mieux, c'est quand il prend appui sur les cordes et qu'il lui saute dessus. Et intervention de l'arbitre. C'est pas réglementaire. Mais là, il y a une petite phrase que j'ai trouvée intéressante. C'est justement pour ne jamais, jamais, jamais négocier avec les terroristes. Ouais. Il dit, si tu négocies une fois avec eux, après, c'est trop chiant, ils vont casser les couilles jusqu'à la fin. Et il dit, si tu donnes un cookie à une souris, elle va vouloir un grand verre de lait. Ouais, mais alors ça, dans la version française, ouais, c'est pas ça. Ouais. C'est l'expression américaine pour dire si tu donnes un doigt, on te prend le bras. En gros, si tu donnes ça, on te prend ça. Enfin, on n'a pas les gestes parce que c'est un podcast audio, mais vous comprenez ce que je veux dire. On vous mettra les images. Mais quand même, en gros, l'expression américaine, c'est si if you give a cookie, enfin, c'est genre, il y a le glass of milk. En gros, c'est si tu donnes un cookie, on va te demander un verre de lait pour aller avec. On avait compris. En version française, voilà, si tu mets ta main dans... Explique-moi, Michael, ce qu'elle a dit. Alors, si Julie a pas été assez précise, on mettra toutes les informations sur Facebook et les réseaux sociaux. Avec les versions anglaises et françaises. Hein. Bon, cookie, ça veut dire gâteau. Ça, voilà. C'est une recette américaine. Alors, il se trouve que c'est un gâteau très sec qui entraîne le désir d'un verre de lait à la suite. Et donc en français, l'expression c'est tu lui donnes un petit lu et il demande un café au lait. Aïe, ok, j'aimerais qu'on avance sur le sabotage. Non, on va continuer quand même de parler des questions américaines. Sabotage. Alors, leçon pour casser le fuel de l'avion. Alors, président garagiste. Là, il y a un cut hallucinant, c'est-à-dire qu'il est en train de faire du catch avec à l'étage du Boeing avec le gars. Non, il se bat en fait. C'est pas du catch qu'il fait. C'est quoi? Il se bat pour de vrai. Il se bat pour de vrai. D'accord. Oui, c'est vrai que le catch est tout faux. Et là, il y a un cut et il est au téléphone au sol avec des espèces d'experts en aviation et il lui dit ouais, alors faut couper le fil bleu et ensuite faut le relier au fil jaune pour que le fuel de l'avion. Pas le bleu justement. Puisque après, il laisse les trois couleurs pour le drapeau américain exprès. C'est le vert et le jaune. Et il dit, je vais faire confiance au drapeau américain. Et c'est pour ça qu'il laisse les bleu, blanc, rouge sur le côté. Putain, heureusement que j'avais pas compris ça, parce que je pense que j'aurais pleuré, quoi. Non, mais c'est hyper patriotique. Ah bon? Donc là, il apprend quand même à trois secondes à couper les fils. Pendant ce temps-là, surtout, il y a un mec qui s'introduit avec un skate en dessous de l'avion pour pouvoir rentrer. Parce que s'il descend en dessous de 50 miles à l'heure, il explose. Faut quand même le préciser. Là, il y a le Gary Oldman, le terroriste, il commence vraiment, vraiment, vraiment à se chauffer, là, tout seul. Donc avant, c'était un otage toutes les 30 minutes. Il est passé à un par minute. Donc là, dans 10 minutes, t'as plus de fil. C'est fini, ça va aller quand même. Eh ben non. Il tient pas ses promesses, il fait chier un peu. Ouais. Là, il y a la prise d'otage dans la prise d'otage, puisque Harrison Ford va prendre en otage un des gars. Qui prend en otage les otages. Ouais. Ils sont eux-mêmes pris en otage. Et du coup, il arrive dans la salle des otages avec son arme. Ouais. Du coup, il donne des armes aux autres gars, aux otages. Et, pas beaucoup, et, hein. Et il est le seul à ressortir de la salle. Mais c'est ça, c'est le président. C'est moi, j'avais noté. C'est le président Castagne. C'est le seul. Tu vois, c'est le seul qui repart. Tu repars en infiltration. Ok, j'ai commencé le boulot. Restez là. Franchement, restez là. Je vais finir le taf. Attends, c'est leur meilleur espoir. Hein. Non, mais en plus, j'aime bien. Ça fait genre. Non, c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui finis. Après, vous allez avoir toute la gloire. Hein. Non. Et du coup, même les mecs de la sécurité, même les mecs qui savent trop bien se battre, et maintenant qu'ils ont des armes, ils restent quand même dans la salle des otages tout seuls, pour que vraiment Harrison Ford y aille tout seul. Ah ouais, parce que globalement, il y avait 4 terroristes, là ils sont 25 dans la salle des otages, c'est-à-dire qu'ils ont 4 guns où ils pourraient en choper d'autres, et puis bon, fin des bails, quoi, ils butent tout le monde, mais non, il y va tout seul pour être seul contre 4. Il y va pas tout seul, il va avec la dame qui sait faire marcher le fax. Putain, la stagiaire, c'est vrai, la stagiaire. Elle est incroyable. Donc il envoie son fax. Ensuite, c'est l'avant-dernier chapitre, c'est le chapitre que j'ai nommé Dans les airs. Pas l'avant-dernier, c'est de l'avant-dernier. Ouais, mais à la fin, j'ai fait une sorte de méga chapitre qui contient toutes les dernières. Ça s'appelle le chapitre en trop. Les chapitres en trop. Enfin, en même temps, tout le film aurait pu s'appeler Dans les airs. Hein, bon, bah, tu veux faire le système de chapitre? Tu veux faire le chapitrage toi-même, si t'es si malin? Je passe des heures à faire ce chapitrage, bordel. Là, le plan, c'est vachement cool. On va faire descendre tous les otages discrètement. Alors, Gary Oldman, il est mis. Complètement con. Pourquoi ils s'en rendent pas compte? On y font descendre tous les otages dans le cul de l'avion qui vont ouvrir. Ouais. Une sorte de pont-levis inversé qui s'ouvre. Et c'est Mickaël qui raconte une histoire. Je pense que tous les auditeurs ont compris là. Le pont-levis inversé qui s'ouvre à l'envers. On va l'appeler la rampe de parachutage. Voilà. Là. Julie, c'est convenable. Barbara, c'est bon, oui, ça convenable. Va. Enfin, okay. Sur les vols de grande ligne, je t'avoue qu'il n'y a pas trop ce système de parachutage pour les passagers, mais on appellera ça comme ça. Alors, on a un système de pont-levis, c'est au moment de navigation. Un système de pont-levis qui s'ouvre à l'inverse. C'est un problème. Belle supporte, armement du pont-levis inversé. Donc là, t'as tous les otages qui descendent. Attends, ils descendent pas, on leur dit vas-y prenez des parachutes et les mégas ne sont absolument pas stressés, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont là, oh ben bah, ça c'est du X, ça c'est du S, ah, non moi je vais prendre celui-là, allez on saute, ouais, celui-là il a l'air la sangle elle est mal réglée, je vais en prendre un autre. Et là le plus marrant c'est qu'il y a pas de parachute pour tout le monde déjà, ça c'est classique. Ouais, et c'est oui. Que le plus marrant c'est bon. Que bah évidemment Indiana bah il va rester quoi. Les attends Indy. Les otages. Ils vont sauter pour la première fois de leur vie en parachute. Ils vont sauter en solo dans la nuit noire, en état d'urgence, au-dessus du Kazakhstan. Et les mecs, ils sont là. Non, non, ils sont en Allemagne. Et le gars, il leur fait un brief. Il met le parachute. Il fait, OK, donc pour ceux qui ont jamais sauté la languette de gauche, donc ça, c'est pour, voilà, pour armer le truc. Et si jamais ça s'ouvre pas, à droite, c'est l'urgence. Et voilà. Il le chuchote à 2 mètres sur des films. Oui, il le dit même pas. Surtout qu'en plus, la trappe, elle est déjà ouverte. Tu dois rien entendre. Et à mon avis, il y a déjà 2 mecs qui ont dû se faire aspirer par le vide. Il y a juste un petit truc avant qui est pas du tout patriotique. C'est que CNN raconte de la merde. Ah bon? Ouais, il y a un petit plan, les médias nous racontent des conneries, en mode l'avion Air Force One est crashé, machin. Et là, la vice-présidente fait un petit communiqué pour dire que CNN raconte des conneries. Ce qui me fait marrer, c'est un film qui dénonce, tu vois, sur les médias, sur... Tu sais qu'il est interdit dans certains états des États-Unis. Bah, ouais. Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout que quand ils font évacuer les parachutistes, là, il n'y a pas les terroristes qui disent « Putain, il fait un petit peu froid, là, non ?» Ils sont quand même à 3000 mètres d'altitude. Non, mais surtout, ça doit créer une putain de dépressurisation pour l'avion, tu sais. Le mec, il fait « On va voir quelqu'un dans le doigt !» Pas Vladimir, il fait tout pâle. Vladimir. Donc là, évidemment, je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, il y a un coup de vent, il y a Harrison Ford dans le vide qui se tient un bout de bras. Ouais, là, c'est chaud. Hyper musclé. Ouais. FX explosion. Non, mais là, c'est la séquence impossible, quoi. Tout est impossible. T'es sûr? Tu as vérifié ça? Attends, mais l'explosion du ravitailleur, le sauvetage d'Indy et tout, c'est impossible. C'est un problème, parce qu'en plus, ils viennent de perdre justement l'avion de ravitaillement, mais ils en ont rien à branler, hein. Apparemment, il y avait des gens dedans, mais tout le monde s'en fout, hein. Ouais, mais c'est pas le président. Le président, globalement, s'il avait voulu, il aurait pu s'en tirer 15 000 fois. Mais on a vraiment l'impression qu'il cherche la merde, quoi. Tu sais, il veut vraiment rester dans la merde, quoi. Ah oui, alors. Et sa fille. Alors, attends, c'est sa fille, mais c'est sa fille. La fille, elle monte dans les tours, hein. Franchement, moi, j'ai noté la fille, elle monte dans les tours. Je voulais faire juste un petit erratum. Effectivement, tout à l'heure, c'était pas le dernier chapitre, c'était l'avant-avant-dernier. Effectivement, il y a un dernier chapitre qui s'appelle Ça ne finit jamais. Là, c'est le chapitre face to face, donc domination par coup de poing. Il faut quand même préciser qu'on a eu une grosse explosion parce qu'il manquait le quota d'explosion, qu'on n'était pas certain d'atteindre vu qu'on était dans les airs. Là, on en fait une grosse avec le tanker. C'est le forfait Fix 2000. C'est le forfait 10 explosions. Hein. Petite anecdote d'ailleurs, Harrison Ford a demandé à Gary Oldman de le frapper vraiment pendant le tournage. Donc ils sont mis des vrais mandales pendant les scènes. Ils ont mis des roustes. Ouais. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Et c'est du coup, il faut libérer Radek. Et là, c'est le bad damn. Écoutez. Quand même réussi à diffuser l'international. Ouais. Je voulais le faire. Donc là, il y a la mort de Gary Oldman. Ça plutôt sympa. Et donc, on reçoit Jean-Luc Mélenchon la semaine prochaine. Elle est magnifique, la prison russe. Ce qu'on a remarqué, c'était joli. Ouais. Donc, Gary Oldman va mourir. Vous verrez la scène, c'est le bordel. Et là, c'est l'attaque des MiG noirs. Et là, je me tourne vers toi, Barbara, puisque il y a effectivement des avions qui prennent en chasse. Est-ce que tu aurais le numéro du MiG? Numéro de série, je veux dire. Hein. Là déjà j'avais écrit scène de trop, mais en fait je vais le réécrire beaucoup de fois, vous allez comprendre pourquoi. Donc là c'est l'attaque des avions de chasse, on comprend rien. Mais surtout, est-ce que vous avez parlé du fait avant que Gary Oldman meure qu'il dit on négocie pas avec les terroristes, et dès qu'il a sa famille on négocie avec les terroristes? Ça vous a pas choqué, ça? Non, je dois dire, mais là c'est valeur contre valeur. Value versus value. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est que il y a un quart d'heure plus tôt, on est au-dessus de l'Allemagne, et là, on est au-dessus du Kazakhstan. Alors, je sais pas la distance qui sépare les deux, mais à mon avis, tu y vas pas en 10 minutes. Attends, c'est Air Force One. c'est vrai qu'il peut aller super vite. Donc là, les MiG noirs. Attends, mais c'est pas possible. Ils font demi-tour. Ben, je sais pas, j'ai rien compris. Peu importe. Donc l'attaque des MiG noirs. Quelqu'un sait où c'est le Kazakhstan, en fait? C'est ça surtout la question. Mais ça existe vraiment, ce pays? Je ne crois pas en son existence. Parce que j'entends que des blagues dessus. Moi, je crois que c'est du complot. Et là, donc il y a les MiG. Ben, ils vont se faire eux-mêmes attaquer par des F-12. Je parle sous couvert de Barbara. Les F-12, c'est les gentils, c'est ça? Mais t'as rien suivi en avion, je suis hyper déçu. Non, mais en fait, j'ai commencé la technique de Greg à regarder en accéléré, je comprends plus rien. Bah, regarde plutôt au ralenti. Et donc là, évidemment, j'essaie de me renseigner sur les avions et tout, mais. Oui, on va refaire un podcast probablement sur Air Force One, du coup. Donc les F-12, ils désignent tous les MiG. Et là, les F-12, ils restent aux côtés du Air Force One. Et là, donc, je vous ai pas dit, mais c'est Indiana Jones qui est aux commandes du Air Force One, puisque le pilote est mort et il n'y a que lui qui s'est piloté. Bah oui. Et là, il se. Ouais, il prend un cours de pilotage en direct. Ouais. En même temps, il fait nuit. Il faut qu'on millénium quand même. Il y a un avion de chasse qui est à côté du. Je peux parler? Ça vous fait chier, non? Je chante. Fais attention, Antoine, parce que si tu nous prends un cookie, on va sûrement te donner un verre de lait. Hein. Il fait nuit, et là, t'as un soldat américain qui est dans un avion de chasse à côté du Air Force One, et qui fait un salut à Harrison Ford, et Harrison Ford, il lui renvoie son salut. Ouais, ultra patriote. Et d'ailleurs, pendant ça, c'est le président Marines. Pendant ce temps-là, Harrison Ford a le coude en dehors de sa gueule. Il baisse la vitre. Malboro. Vachement fait penser à Hot Shot, hein, ce film. Il écoute du Creedence. Bah ouais, mais de toute façon, la première scène, en fait, je crois que Shot 2 est la parodie de la première scène de ce film, il me semble. Ouais, je pense. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ou y a-t-il un pilote pour sauver le président? Non, y a-t-il un pilote pour sauver le président qui est dans l'avion? Mais je pense que c'est lié, parce que j'avais jamais fait le rapprochement. Mais moi non plus, mais en fait, quand j'ai vu le palais présidentiel, De la première scène de Hot Shot, mais j'ai bien compris. Et alors là, en fait, on se rend compte que ça se finit jamais, parce que moi je pensais qu'ils allaient atterrir d'urgence et tout, mais en fait, ils ne peuvent pas atterrir, ils n'ont pas assez. Ah, mais là, c'est le début de. L'enfer. C'est le début. Des effets spéciaux par FX 2000. Ah ouais. Enfin, FX 1997 pour le coup. C'est le sauvetage de l'extrême. Putain, ils vont faire une session d'acrobranche entre deux avions, mais c'est incroyablement compliqué. Bah, c'est la tyrolienne la plus dangereuse du monde. Ouais. Et il nous l'a fini en mode Tarzan, hein, Harrison Ford, hein, de toute façon. À noter qu'il garde sa cravate, ce qui est particulièrement dangereux, à mon avis, dans ce genre de cas. Hein. Ouais. Il y a aussi un moment. Merci, Mickaël, de faire de la prévention quand ne même. Ne faites jamais de tyrolienne avec une cravate. Non, vraiment, on vous le dit pas, mais c'est hyper dangereux. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il se castagne avec le dernier méchant, ouais, là, justement, sur le. Il y a Judas qui se réveille. Sur le pont-levis inversé, et c'est-à-dire que. Deux secondes avant, il était sur le pont-levis inversé, il s'accrochait parce que tellement il y avait de vent. Et là, ils sont tout au bord et ils sont en train de se mettre des petits coups de poing. Il n'y a plus du tout de vent. C'est cool, quoi. À ce moment-là, ils sont à 17 km/h. Ouais, non, mais c'est les masses d'air chaud. Ils sont en première. Et surtout, il y a un truc, je sais pas si remarqué, dans la session d'acrobranche, t'as des mecs de l'autre avion, parce que je vais quand même expliquer, parce que t'as le Boeing et du coup, comme le Boeing il va se crasher, ils accrochent un câble au Boeing avec un autre avion à côté et du coup, t'as des mecs qui descendent dans l'Air Force One, des Manos, j'ai même écrit des Manos, qui vont piloter l'Air Force One, et du coup, ils vont faire remonter les mecs qui sont encore à bord dans l'autre avion. Et du coup, la première question, c'est qu'advient-il des mecs qui sont descendus dans l'Air Force One et qui vont jamais remonter, ils vont mourir avec, on en a absolument rien à foutre. Ouais. Et surtout, ils sont tous morts. Mais, ceux qui sont déjà morts. Ils sont tous, ou ils ont ramené quelqu'un avec eux et ils sont repartis, ou ils sont morts, puisque même son pote, il n'y a plus assez de harnais pour ramener son pote, et ça tombe super bien parce qu'il se sacrifie et il se met entre la balle et entre le président. Ça tombait bien. Ouais. Scénaristiquement, c'est hyper pratique. Et donc voilà. Il le sauve, le blessé. Mais non, il repart tout seul. Non, mais il y a le blessé, il y a le premier blessé, et il en reste un autre qui s'interpose et qui prend une balle. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'en fait, on pense que tout est fini, et il y a le traître qui est en train de faire une sieste, visiblement, qui réapparaît, en fait. On a pas vu. En gros, surtout que s'il part pas, il va mourir dans l'avion, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne la place du président, en mode, le président n'a pas survécu, je suis rentré tout seul, quoi. Surtout que le traître, il avait à peu près 999 fois l'occasion de tout renverser, quoi. Il y a plein de moments, il a une arme dans les mains, il aurait pu. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça, c'est vraiment nul. D'un autre côté, ça c'est vraiment trop en plus parce que tu sais au début du film tu le vois que c'est le traître, il fait le petit regard du traître au début. En même temps, et en fait tu l'oublies quand tu te le ressors à la fin tu te dis merde, je l'avais oublié lui. Bon, attends, il y a deux trois fois dans le film où il fait le petit regard du traître. Oui, il le fait, mais t'es tellement avancé dans le film, il s'est tellement passé de trucs que tu dis bon bah c'est bon, c'est fini. Et en fait non, et on te rajoute la scène du traître et tu te dis putain non quoi. Non mais, et là, il y a le crash de l'avion. On se croit vraiment dans Flight Simulator, quoi. ça vient de là. Hein. Flight Simulator 2000. Non, mais c'est assez dingue, c'est des images. Donc, turbo happy end. Le président est sauvé. C'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fout complètement. J'ai une petite anecdote avion. Alors. Et c'est juste que quand. Le jingle. Harrison Ford arrive dans l'avion militaire. Qui est de l'US Air Force, Et ben là, il faut pas l'appeler Air Force. Ils appellent l'avion militaire Air Force One, alors que quand c'est de l'US Air Force, c'est Air Force Two. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu pourrais répéter? Michael, je crois que tu as pris vraiment la position de cerveau alors, ce soir. Alors, ça vous épaté, mais j'ai compris ce qu'a dit Barbara. C'est compréhensible, mais j'ai compris ce que tu as dit. Effectivement. Quand le président des États-Unis monte dans un avion, l'avion s'appelle Air Force One. Ah, et quand il n'est pas dedans, il s'appelle Air Force One. Mais quand c'est un avion de ligne, entre guillemets, basique, c'est Air Force One. Et quand il rentre dans un avion de l'US Air Force, qui est déjà un avion militaire, l'avion de l'US Air Force s'appelle Air Force Two. Et d'accord. Là, il l'appelle Air Force One, donc c'est pas possible. Bon, c'est pareil, hein, on vous mettra tout le résumé sur Facebook. Ça et puis l'histoire du bouquin. Air Force Two. Ça et puis l'histoire du bouquin. Air Force Two, T-O-U-T. Air Force tout le monde. C'est l'air, la force et le numéro 2, je pense. C'est ça. Alors, donc voilà, moi j'aurais pu aimer ce film s'il n'y avait pas cette scène interminable de fin, cette histoire de cookies et d'Air Force Two. un dernier avis, messieurs, dames. Bon, moi, je trouve ça sympa. Bon, c'est les valeurs américaines à en dégueuler, quoi, c'est tout. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, le film 2 heures de perdu. Ouais, ça, c'est le film 2 heures de perdu. Ça, c'est vrai que c'est, ouais. il a tous les critères, quoi, ouais, pour le coup. Ouais, pour le coup, ouais. Et notamment beaucoup de valeurs, qui est critère de choix pour 2 heures de perdu. D'ailleurs, si vous proposez des films, n'oubliez pas que ce soit des films avec des valeurs, et beaucoup de valeurs. Et c'est qui domine aussi. Ah bah oui, ouais, parce que là on l'a pas dit, mais on sait c'est qui domine maintenant. Là les Américains, ils dominent drôlement. Hein, ils dominent convenablement. Ils dominent convenablement. Alors, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, avis 5 étoiles et 0 étoiles d'ailleurs, de Air Force One. Le premier, c'est par personne. Ouais. J'adore. J'ai adoré ce film. Enfin, je comprends rien à l'histoire des cookies, mais bon. Ah, évidemment, c'est pas ça. J'ai adoré ce film. Le jeu des acteurs comme Harrison Ford, Glenn Close et Gary Oldman est génial. L'action présente tout le temps. Bref, un film à voir sans prise de tête. Même si c'est encore un film à la gloire de l'Amérique. Bah oui, il y a que con genre de président. Bah, c'est vrai, en fait. C'est vrai, il n'y a pas tort. DBP, 5 étoiles. Hein. Ford est à son meilleur niveau dans ce film. C'est lui qui fait tous ses stunts. Mon beau Harry m'impressionne. 5 étoiles, ta gueule. Joffre, 5 étoiles également, qui nous dit « Après avoir réalisé un péplum comme 3, Peterson a réalisé un huis clos intéressant. Car avec un duo d'acteurs comme Harrison Ford et Glenn et Gary Oldman, on se sent volé avec tous les protagonistes. Un grand film d'action avec une réflexion sur les guerres et la relation entre les différents états. » 5 étoiles. Ah bah, ouais. Attends, mais juste une question. Attends, il fait... 3, c'est après, oui. Mais U3, c'est bien après. Oui, mais parce que ce spectateur l'a vu avant. Il pense que dès qu'il l'a vu avant... Bon, c'est donc, avant. Moi, j'ai trouvé Vertigo, c'est mal fait. T'es allé voir Stephen King au cinéma? Alors, on va deux commentaires, 0 étoile pour finir. Adrien Crépin. À une lettre près, il était devant lui. J'approuve l'internaute qui a titré son commentaire « Independence Day avant l'heure ». Quand j'ai vu Air Force One, je me suis justement dit « Ce film est aussi nul que Independence Day ». Alors, Wolfgang Peterson, on sait plus quoi inventer. Alors, Harrison Ford, on joue les Han Solo et l'Indiana Jones, rentrer dans la légende, et on accepte un rôle dans un film aussi piteux. Je sais bien. Piteux, c'est pas mal, hein. Piteux, c'est... Moi, je vais commencer à essayer de le dire, ce mot-là. On va garder ce mot-là. Ouais. Ah ouais, celui-là, je vais essayer de l'utiliser. Attends, tiens-toi bien, parce que le dernier commentaire, c'est piteux, ça. Passe trop vite, parfait. Je sais bien que c'est pas donné à tout le monde de jouer le président des USA, mais quand même, Ford, il faut lire le script avant d'accepter un rôle. 0 étoile. Et enfin, on a Sonaz qui utilise une tonne de mots comme piteux, que j'ai beaucoup aimé, qui dit Harrison Ford est président des États-Unis à bord de l'Air Force One, l'avion le plus sûr du monde. Des terroristes aux tronches patibulaires. Pas possible. Un scénario complètement ch'tarbé. Je connaissais même pas l'orthographe du mot starbé, tu vois. Il a pas dû bien l'écrire non plus. Je pense que lui non plus, il la connaît pas. Harrison Ford se balade incognito dans l'avion et organise tout sourire l'évasion d'otages bien docile par la voie des airs, au nez et à la barbe de terroristes russes, pourtant présents aux quatre coins du coucou. Le sauvetage mouse du président himself, alors que l'avion explose derrière lui, Ajoutez à cela l'anticommunisme primaire et bas-fond, parce que les capitalistes yankees, c'est pas des bambis peut-être. Zéro étoile. Moi, je suis d'accord avec vous. J'aimerais qu'on respecte un petit peu de silence pour les valeurs. America. Donc voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Air Force One. J'aimerais qu'on en dise pas plus et qu'on s'arrête sur cette sur mélodie. Un moment de valeur. Et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Left Behind. Qui est un enfer aussi. Allez, à la semaine prochaine. Je sais pas si je vais venir la semaine prochaine.